J'ai passé toute la nuit dans cette gare. Si j'ai cherché sur tous les quais pour te revoir, c'est que je ne peux pas te laisser partir comme ça. Un train qui s'en va ne revient pas. Dans un instant, il va falloir se séparer. Tu m'avais juré de ne jamais me quitter. Et pourtant, voilà, tu es dans mes bras. Mais déjà, tu ne penses plus à moi. Juliana, Juliana, rappelle-toi les mots que tu disais. Non, je ne veux pas croire que tu mentais et que l'on ne se verra plus jamais. Juliana, Juliana, pour toi je n'ai compté que quelques nuits. Sais-tu qui je suis, Juliana, Juliana. Cette ville avait vu naître notre amour, et pourtant je vais la quitter pour toujours, l'effacer de ma mémoire. Car avec ton départ, j'ai vu mourir notre belle histoire. Juliana, rappelle-toi les mots que tu disais. Non, je ne veux pas croire que tu mentais et que l'on ne se verra plus jamais. Juliana, Juliana, pour toi je n'ai compté que quelques nuits. Qui je suis, Juliana, Juliana.